Bon, Benji, tu réponds pas tout à l'heure dans le lounge. Hein. Tu vois pas les messages que je t'envoie? Je suis passé à côté de Thiers. Je suis allé voir ma frangine dans l'Allier, là. Je crois que c'est à Thiers que t'habites, toi. Eh ben voilà, j'ai pas vu un café-concert là à Thiers. C'est mort ta ville. Un peu. Putain, je vais la casser. Thank you.